Oh, bonsoir. Alors, en manchette ce soir, on parle de Georges, le homard géant, panique au tribunal et on répond... Non, on répond pas vraiment à la très vieille question « Aimez-vous plus les burgers que vos amis? » En fait, je suis en train de faire la recherche de la toune thème. Cette semaine, ça va être Israël qui nous la chante. La semaine passée, c'était Simon-Pierre Bilodeau. C'est tous de feu précieux collaborateurs qui vont revenir de façon régulière. Pour l'instant, on est à 70%. C'est ça. Point. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh C'est Hans Zimmer. J'ai amené la trame sonore de Days of Thunder. Oh! Avec le gars là, qui vient avec la Scientologie. Là. Forest Whitaker? Non, non, pas lui. Non, là. John Travolta? Non, non, l'autre. Là. Ah, il a sauté à Oprah sur le divan. Ouais, attends. Ouais. Il sort avec Katie Holmes. C'est quoi son nom? C'est qui Katie Holmes déjà? C'est qui? C'est la fille qui sort avec Tom Cruise. Ah, si, c'est ça, Tom Cruise! Ah, ça Katie Holmes jouait dans Dawson's Creek. Ben, soda, c'est beau, cette tune-là. On dirait un cowboy qui sort d'une boîte de céréales, tu sais. Puis, il enlève les céréales sur lui, t'en regardes. Il s'en vient vers toi. Non, ouais, ça. C'est le fun, c'est du Hans Zimmer de Dalton qui faisait pas tout le temps la même tune. C'est-à-dire, tantan, tantan, tantan. Tana, tata, tana, tata, tata, tata, tata. Le clavier okay. S'en vient. Pour la première fois de ma carrière d'animateur de radio, je vais baisser le micro de quelqu'un. Hein. C'est jamais arrivé avant, je suis surpris. C'est jamais, jamais. Hey, ben non. Ah. Hey, putain, c'est pas les occasions qui manquent. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. On est tous passés par là. D'ailleurs, à ce soir, on va en avoir encore des occasions. Parce qu'on a deux crises de filles dans le studio. C'est supposé être moi qui fais tes jokes cette semaine. Non, mais c'est, ça, c'est Chris de belle fille. Ah oui, oui dire. C'est ça, c'est vraiment Evelyne Potvin-Cloutier qui est là pour nous jouer à Patapon d'en face. Bonjour. Bonjour. Vous allez reconnaître un accent de Bobberville. Ajustez pas votre ordinateur, c'est correct. À côté, c'est Jessica Lesage qui a tout amené encore. Ouais. Jessica qui va être là au complet ce soir pour nous faire une présentation sur petit texte sur les gadgets de voiture. Les gadgets de voiture. Ouais, j'ai une explication qui justifie ce sujet. Go gadgets encore. Ouais, cette semaine. C'est excellent. Le puis Étienne Forêt, t'as-tu une petite thématique toi? Mais moi, je fais la suite de la semaine passée. Ah ouais, c'est... Il est pas mal déprimé. C'est incroyable. Tout va mal. Ben, c'est le mois de janvier. Il fait l'être dehors. Les Canadiens gagnent. T'sais. Ah, ben ça, c'est hot. Il y a. Puis en plus. Marie-Carmen qui revient. Damien Double B, man. C'est quoi tu fais là, là? Ben, j'avais un cours à l'UQAM. Puis l'alarme de feu s'est mise à sonner. Je suis sorti dehors. J'ai croisé Bruno. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, man? Ah, l'émission à Tommy. Fait que je suis venu ici. Puis je vous ai écrit. L'émission à Tommy. L'émission à Bruno. L'émission à Choc, là. Voilà. C'est ce qui est hot. C'est comme notre plan marché. Hein? On a tiré l'alarme de feu dans l'UQAM. Maintenant, on t'a parmi nous. Au moins une personne qu'on connaîtrait de sortirait. C'est ça. Donc, tout va pour le mieux. On va commencer ici de l'émission avec une excellente chanson. Vu que je vais faire confiance à mon ami Forêt pour nous amener des affaires indispensables à nous faire rêver, on va aller écouter une toune des... c'est les Melvins, Junebug. Ça dure pas trop longtemps, puis on revient à 70%. Parler des vraies affaires. Parce que ce soir, le film, c'est Hobgoblin. Puis Hobgoblin, c'est Hobgoblin. Quoi, il veut pas jouer? Ah oui, c'est bon ça, cette toune-là, vous allez voir. Thank you. société! Ça fait du bien. Voilà, alors on y va tout de suite en nouvelles, hein, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Builder Graham, 45 ans, vient de résoudre son cube Rubik qu'il a acheté en 1983. Le mari et père d'un enfant a passé d'innombrables nuits blanches à essayer de résoudre le cube et a passé plus de 27 400 heures dessus, supposément. L'homme qui avoue avoir raté des événements importants et avoir eu des problèmes de poignet et de dos à avoir passé trop de temps à tenter de résoudre l'énigme se dit soulagé. Lorsque j'ai mis le dernier cube en place, j'ai pleuré. Jean, 47 ans, et sa femme depuis 26 ans, se dit aussi soulagée. Elle affirma s'être sentie parfois comme s'il y avait trois personnes dans le couple. Ray Hodgkin du World Cube Association dit que je crois que c'est le plus de temps que quelqu'un a mis à résoudre un cube. Il s'est dit impressionné par la dévotion qu'il a portée au cube et le félicite pour son accomplissement. On vous rappelle que je l'ai pratiqué tantôt en plus. Akerjik détient le record de résolution à 7.08 secondes. Ah, quand même un peu plus efficace. Ouais. Je sais pas, moi, quand t'es pas capable de faire de quoi, tu peux demander à quelqu'un. Non, il voulait pas, il voulait le résoudre lui-même. Il savait qu'il y avait des solutions sur internet, tout ça, mais il veut pas, il voulait pas vérifier, il voulait exact. Moi, le faire lui-même. Il voulait résoudre son cube qu'il avait acheté en 1983. Voilà. Ça fait penser aux Danaïdes, tu sais, qui versaient de l'eau dans des tonneaux troués, là. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, ou le gars qui poussait la roche en haut de la montagne, ou comme Naruto qui doit le faire pour Amis. Pour sauver ses amis. Parce que je les aime. mais juste en ami. Hein? T'en as-tu un autre de même? Hein? On commence super. Je sais pas s'il est de même. Là. Je peux parler de Georges, le homard géant, qui sera libéré de son aquarium et retourné dans l'océan où il a été capturé il y a deux semaines. Le homard de 9 kg, dont l'âge est évalué à 140 ans, a été acheté par le restaurant City Crab pour la modique somme de 100$ et adopté en tant que sa mascotte. Mais PETA, le groupe d'extrême facultativité, défense des animaux américains, a demandé sa libération la semaine dernière. Le crustacé sera jeté dans les côtes du Maine près de Kenburport, là où la pêche au homard est bannie. Valenti, gérant du restaurant, a affirmé qu'il n'avoir jamais eu l'intention de vendre l'animal pour la consommation et a gracieusement accepté de relâcher le dit fruit de mer. Ingrid Newkirk de PETA applaudit la décision et espère qu'elle va aider la cause des homards à avancer vers un monde meilleur, là où les homards ne sont pas confinés à un aquarium et condamnés à bouillir vivants. Question. Est-ce qu'un des membres du PETA a souhaité s'accoupler avec le dit homard? Fort probablement. 9 kg. Ça doit être... C'est quasiment un chien, ça. Ouais. Donc, c'est possible, ben oui. C'est juste une question de poids, l'accouplement. Ouais. Libérez le homard. C'est beau. Il ne faut pas oublier... Ah, mais non, c'est vrai, ça marche pas, parce que tous les organes sexuels des mammifères sont intercompatibles. Mais pour les crustacés, c'est pas la même chose. Tu penses que c'est difficile de faire l'amour avec un homard, en fait? Je pense qu'il jette ses œufs, puis après ça, il y en a un autre qui va se permettre de Ça veut dire tu peux au moins faire ça. Mais si t'aimes ça te faire pincer, pourquoi pas? Ouais. Non, mais il y a même pas besoin d'être là pour que tu le fasses avec. Fait que déjà, ça va mieux. C'est vrai. Il y a même pas besoin d'être lourd non plus. Ben voilà. Ouais. Un coup qu'on vient de faire le tour des vraies valeurs. Moi, je me dis, Étienne, tu pourrais nous faire notre premier blog de ton affaire. Moller mon premier bout de texte. On va mettre une toune, après ça, on va revenir. Peut-être pour Damien, hein? Damien, il est chaud. Damien, il est prêt, t'as une toune, c'est en feu. Damien est en friction. Damien est en friction, donc on va le laisser se frotter un petit peu pendant que Étienne, tu vas nous amener au monde de la dépression auditive. Tout à fait. Mais d'abord, une petite pause. Après la pause, DJ Georges traverse l'enfer de la drogue. À 70%. Votre chien raffolera de pâle. Une préparation unique comprenant 5 sortes de viande dans chaque boîte. Bœuf, poulet, cœur, rognon et foie. Pâle est une nourriture de qualité, avec de vrais morceaux de viande dans une gelée appétissante et juteuse que les chiens dévorent. Il est évident que les chiens qui aiment la viande adorent pâle. Celui-ci en raffole. Servez à votre chien le délicieux pâle, fait de 5 sortes de viande. Votre chien en raffolera. Bœuf, poulet, cœur, foie, rognon. Moi, j'aime beaucoup le rognon sauvage. Mais un restaurant que j'apprécie beaucoup, le pied de cochon, a une carte semblable. Oui, c'est vrai. Ça sent effectivement ça. Ils font tout avec du pâle. J'ai d'ailleurs mangé une langue de cerf délicieuse, très tendre. Moi aussi. Oui, si tu vas au chaud lapin, tu peux manger des joues également d'animaux. Pis ça, si tu vas à collège du sexe, tu peux manger. Ils ont du steak, je pense. Je pense qu'ils ont du steak. Ceci étant dit, la semaine passée, j'étais super déprimé, puis j'ai adopté la stratégie de déprimer les autres autour de moi pour me sentir mieux. Puis cette semaine, je me sens un petit peu mieux, fait que je me dis, hey, ça a marché. Fait que je vais continuer à fond là-dedans pour vraiment péter le feu la semaine prochaine. Je commence avec vraiment un gros canon, tout de suite au début. Sèche tes larmes de Stéphane. Et puis juste Steph. J'ai mal dans Steph. On peut l'appeler Steph pour les intimes. Donc la belle voix puissante de Stéphane, dont le trémolo rappelle un normal amour plus jeune. Alors, on écoute. Je t'en prie. Je m'attendais pas à la fin de la phrase, mais la première fois. Donc, cette fois-ci, ben c'est ça. C'est la mère de Stéphane qui pleure. Et Stéphane qui la console en lui disant qu'il revient vivre chez elle. Donc, coup de théâtre, on découvre, si jamais on arrive à écouter la chanson jusqu'au deuxième couplet. Impossible. Ce que peu de gens ont réussi à faire. Que, en fait, le père de Stéphane est mort. Et c'est ça qui fait revenir Stéphane à la maison. Oh. C'est une obligation. Ça me fait penser... C'est pour ça qu'il chante. C'est pas parce qu'il l'aime, c'est parce qu'il se sent coupable. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, ça me fait penser à Claude François. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a un lien, mais il y a une voix plus puissante. Plus puissante. Écoutez bien ici cette parole de consolation. Je sais que papa, ton fidèle compagnon, a dû te quitter pour un monde sans nom. Mais malgré. Peut-être qu'il est juste parti dans une principauté du Liechtenstein. Alors c'est là, on s'est rendu au deuxième couplet là, mine de rien. Donc voilà, c'est ça qu'il lui dit pour consoler sa mère. Malgré ta peine, souviens-toi toujours que demain est un autre jour. Voilà qui consolerait n'importe qui. Puis en plus, il a fait rimer jour avec jour, puis ça, c'est bon. C'est une rime riche. C'est vraiment très beau. Donc, on peut enchaîner tout de suite avec un duo inapproprié de Christine Chartrand et de Claude Stébène. Claude Stébène, plus connu comme le Capitaine Cosmos. C'est le voisin Cosmos. De mon père. Pour vrai? Ouais, Capitaine Cosmos. Ah ben, bâtard, hey, faut que tu me ramènes un autographe de Claude Stébène. Une photo grandeur nature de vermicelle dans son seau. Je sais pas s'il habite encore là. Je veux du tape de vermicelle. J'en veux. Damien, t'es en mission. T'es obligé. C'est le voisin de ton père qui trouve vermicelle à cette heure. Ça t'apprendra. avoir un père qui a des voisins. Donc, Claude Stében, avant d'être le capitaine Cosmos, et il m'a d'ailleurs déjà donné un trophée Cosmos, ce capitaine-là. C'est quoi cette fille d'out de... Oui, c'est marde! Fini. C'est fini, t'as gagé l'arrêt. Donc, avant d'être les satellites popettes, ben, il chantait. Puis avant de chanter, il était électricien, imaginez-vous donc. Donc, à l'arrière de la pochette de son premier disque, on nous dit, c'est sans doute pour ça que le courant passe si bien entre lui et ses auditeurs. Moi, personnellement, je crois que c'est peut-être plutôt pour ça que son disque sonne comme une séance d'électrochoc. Ooh. On va l'entendre ici avec Christine Chartrand dans la chanson « Il pleut des larmes ». Et là, c'est très, très lyrique et grandiose. Je sais pas si on peut booster un peu mon son, je suis au max ici. Merci. Ça va voir, c'est pas facile. Déjà l'intro. C'est plein de violons et de timbales. Je t'aime, tu es parti, je reste seul, j'ai tant de peine. Christine Chartrand. Je prie le ciel, je prie l'enfer que tu reviennes. Vers toi, je crie des mots d'amour, des mots de haine. Je t'aime, Capitaine hier Thomas. Encore, tu étais là, tu étais mienne. Je ne sais plus où va ma vie, le temps se traîne. Je ne suis qu'un prisonnier pleurant ses chaînes. Les deux ensemble. Il pleut des larmes dans le vent. Dans le vent. Eh oui, car mesdames, messieurs, il pleut des larmes dans le vent du soir. Moi, ça me fait penser au vieux film érotique avec Daniel Ouimet. Oui, Valérie. Ouais, Valérie. Excellent film. C'est d'ailleurs le film que j'écoutais quand ma blonde a crevé ses os. Je sais pas si il y a un lien de cause à effet, mais c'est ça. C'est ça comme ça. Alors voilà, il pleut des larmes et le temps s'en va et la nuit grise meurt déjà. Quelle poésie, surtout sur cette mélodie pleine d'émotions, de violons et de timbales. Donc une petite dernière peut-être pour ce premier bloc. Oui. Je m'arrête. Tu vois, je m'arrête avant que tu m'arrêtes. Je suis rendu bien dressé. Alors, je voudrais d'abord remercier mes deux amis dont j'ai déjà, je crois, remercié pour d'autres choses dans l'émission. Benoît et Geneviève qui m'avaient passé son laptop à un moment donné, qui m'avaient donné ce 33 tours de Nicolas Peyrac à ma fête la dernière fois. D'où vient la chanson Quand pleure la petite fille. Mm-hmm. Hey, Nicolas, ça c'est blanche comme la nuit, ça. Non, c'est pas lui par exemple. C'est pas lui. Tiens, je le parle. C'est très triste là, vous allez tous verser plein de larmes. Quand pleure la petite fille, mon sourire s'arrête aux grilles. Là tout au bord de ses cils, je cherche mon chemin. Plus une étoile ne brille. Je m'évapore dans le vide de la fête. Il y a personne qui dirait. C'est vraiment rare que ça fait ça. Vous êtes tous pénétrés, n'est-ce c'est pas? C'est très piano oui. Par la main. Oui, ouais, plus de piano. Ouais, non, mais en plus, tu sais. Ça fait un peu non, Bruel sur les bords. Serait-ce possible de doubler la traque de piano? Ouais, en mettre deux traques de piano. Donc, la chanson raconte tout simplement que quand la petite fille pleure, tout va mal pour le chanteur qui devient automatiquement triste lui aussi. On sait pas c'est qui la petite fille puis pourquoi qu'elle pleure, mais en tout cas quand elle pleure, c'est triste. C'est vrai que ça le turn off parce qu'il est en train. Ouais. Moi je pense que j'ai une trappe sonore de fond appropriée pour commencer. Discourir légèrement sur oui, Top oui, Gobelin. Parce que non, il faut que je vous mette en garde. Bien peu de gens ont survécu à l'écoute complète de cette piste. Donc, Tom, vas-y avant de pousser notre maigre auditoire au suicide collectif. Ils vont tous se retrouver à la même place dans l'au-delà, l'endroit qui n'a pas de nom. Hein. C'est ça, la place. Mais ça, ce pays sans nom. Du Liechtenstein. Donc, on se lance dans Hobgoblin. Hobgoblin, c'est un film de 87, je pense. Je ne me rappelle pas trop. C'est pas vraiment important. Selon IMDb, le film de ce soir, c'est le 88e moins apprécié long métrage de la Terre. Hein? Il y a un téléphone. C'est comme le. C'est comme le. On a-tu un appel en direct? On a un appel. Allô? Allô? Oui? Ouais, c'est qui? Là, c'est Tommy Godette. Je suis à 70%. C'est également Étienne Forêt. C'est également ben, Bruno Corbin. Et Jessica Lesage. Ah, ben super. Salut. Je peux-tu parler à Simon, le directeur de la programmation? T'es pas à bonne place. Bon, ben, t'es pas ce très qu'on bon va faire, c'est qu'on va raccrocher, puis on va te souhaiter bonne soirée, mon gars. Ah, ben, toi aussi. All right, hey, merci d'avoir appelé. Excuse-moi, c'est 987-3000, poste 26-27. Tu l'as-tu? Non, let's fight. OK, je vais raccrocher. Bon, j'espère qu'il écoutait l'émission. Ah, oui. C'était le premier appel, ça mérite un T-shirt à chaque femme. On y va avec la météo. Ben, il pleut des larmes dans le vent du soir, tu oui, sais. Faites attention. Donc, sur les autoroutes. Selon IMDb, le film de ce soir, qui est effectivement de 1987, c'est le 88e moins bon long métrage de la Terre. C'est comme le pouce l'ananas des films. C'est un petit peu ça. Le réalisateur, c'est Rick Sloan, et l'œuvre de Rick Sloan au complet rôde dans les bas-fonds, mais avec Hobgoblin, il s'est vraiment dépassé. À peine 2 ans après Gremlin de Steven Spielberg, ce natif de L.A., né en 1961, réalisa ce qui allait devenir son totem cinématographique. Faut dire que c'est quand même assez reconnu. C'est dans le top 100. Ouais. Le top 100. Top le moins 100. Ouais, moins le top 100 pour nous autres. Ouais. Hein? Ouais. Ben, sinon, pour autres. À sa défense, Rick Sloan déteste qu'on lui applique le terme « auteur », étant lui-même très conscient du degré de qualité de son œuvre, soit B, au minimum. Il est cependant fier de clamer haut et fort qu'il adore ses films et qu'il n'y changerait rien. Rien? Rien. Il n'y a rien qui résiste à l'envahisseur. Rick Sloan réalise des films exactement comme il les aimait en tant qu'adolescent. Il est également fier de dire que ses goûts cinématographiques n'ont pas encore évolué. Ah. C'est bon. Ben, voilà. Lui, au moins, dit, il s'accepte comme il est. Lui dit changer. Moi, j'ai dit évoluer. Ça dépend, t'sais. Le gars changerait rien au film qu'il fait. La critique, le public, les Jéhovas, les musulmans, ma mère, les habitants de l'île de Pâques, les internautes sur IMDb, l'Association des diabétiques du nord de l'île de Montréal. Le gars aux gros orteils. Le boss de la mine à Fermont. Ma mère. Tous s'entendent pour dire que les films de Rick Sloan sont à un niveau rarement vu d'émiettage scénaristique et d'effets spéciaux au corps de scène. Il ne changerait rien à des affaires que tout le monde trouve laides sauf lui. Au moins, il s'assume. Et, comble du pourquoi, la chose que tout le monde trouve laide, c'est lui qui l'a faite. Ce qui me fait me demander, quel film qu'il peut bien trouver bon, lui, ces temps-ci? Ça me fait penser à Van Gogh, tu sais, qui était pas apprécié de son existence. Son vivant. Fait qu'il avait raison. Puis il avait raison, dans le fond. Fait qu'un coup qu'il est mort, là, mais il est devenu riche, mais il était plus là, tu sais. Dépressif, pis tout. Donc ouais. La morale, c'est tuons Rick Sloan. Peut-être. Ce qu'on va laisser, bon, on va laisser l'avenir s'occuper de ça. Mais ce film-là, c'est un film. Là, c'est un film d'horreur, là. Moi, j'ai vu un extrait tantôt, puis j'étais pas l'air et peur, hein? Mais c'est ouais, j'étais contente de pas être toute seule dans ma chambre à minuit. Hein. Autant que Mixed Nuts de Steve Martin, c'est une comédie, mettons. Ouais. OK. Je suis également heureux de dire que depuis 2009-1, Hobgoblin 2 existe! Oh! Bien sûr, comme les canaux de diffusion de cinéma se sont passablement diversifiés, je conçois plus probable la venue des Elohim que la traduction en français de la suite de ce classique du douteux qu'est Hobgoblin. Tellement classique que Rick Sloan et ce qu'on va endurer ce soir sont les raisons primordiales qui poussèrent Joel Hodgson dans l'aventure du Mystery Space Theater 3000. Qui est le... En fait, c'était dans les années 80. Il était conscient qu'il y avait des films, des fois, qu'il fallait plus s'attarder dessus que ce que la critique et le public faisaient. Il y avait un décor de salle de cinéma. En bas à droite, il y avait, en fait, les sièges de cinéma. En bas à droite, il y avait un gars, puis deux robots. On voyait seulement leur silhouette. Il écoutait un long métrage au complet, en étant cynique, en passant des remarques sarcastiques par-dessus. C'est un petit peu ce qu'on fait au brouhaha, sauf que nous autres, on a une autre approche. Hein? Ouais. Et meilleure. Voilà. Ouais, c'est bien meilleur. Bien meilleur. Il n'y a jamais de robot, premièrement. C'est une approche améliorée. Ouais. C'est ça. Il faudrait travailler. Ça serait à ajouter, par exemple, avec des robots. Je ne sais pas s'il y a un robot qui nous entend qui pourrait venir ce soir. s'il peut nous appeler aussi. Ouais. C'est possible. Donc, il pourrait gagner un autre t-shirt. Ce soir, quand... hey, wow, là, les t-shirts. Si un robot qui nous écoute puis qui nous appelle, il gagne un t-shirt. C'est ça. On dit pas un t-shirt. De quoi? Moi, j'ai plein de Fruit of the Loom avec rien dessus chez nous. Ouais. Merci. Vous avez ça laisse encore plus de liberté. Si vous avez eu une greffe de rein aussi, ça compte pour un robot, ça? C'est même affaire. C'est un cyborg. Ça, c'est un cyborg. Mais moi, j'ai une pompe à asthme, fait que je compte comme un cyborg. C'était-tu des androïdes, les robots, ou c'était des. Des mandroïdes. Androïdes, en fait, c'est seulement la forme qui est le robot. Fait que c'était un robot androïde. Il y en avait un qui ressemblait à Wall-E, puis l'autre qui ressemblait à R2-D2. C'est quoi la source du gobelin? Comme il arrive d'où? Je vais en parler juste tantôt. Pour l'instant, qu'est-ce on va. Qu'un gobelin? J'ai hâte. Tu poses des questions pertinentes, là. C'est quoi le rapport? Est-ce qu'il est né de son désir de vengeance contre Spider-Man? On va écouter les séquences que Chigny a découpées. Est-ce qu'il sort du cocon? Blé! Qui sort du garde-robe? Mi, je t'en prie, je t'ai demandé de rentrer et de me laisser tranquille. Oh, et est-ce que tu vas cesser de me souffler dessus? C'est vraiment agaçant. On dirait que finalement, Nick est arrivé. Quand même qu'elle en fait un peu trop. Oh, oh, aïe, aïe, aïe, oh, cette bestiole, oh, fiche-moi la paix. Oh, oh, oh, oh, oh. Tiens, tiens. Est-ce qu'on vient de pas voir des boules pour rien? En fait, non, ce qui est arrivé, c'est... Ah, ben, oublie ça, finalement, on a une solution. On a tout le temps des solutions à 70%, ouais. C'est fou. On a pas assez de problèmes. Je suis content de vous dire que ce qui est arrivé, c'est que la blonde babe vient de tabasser un des gobelins immortels à coups de pelle. Bien sûr, le gobelin décéda. Oui, on va revenir plus tard. Parce que c'est le seul moyen de tuer un gobelin, c'est de le fesser à coups de pelle. À coups de pelle de gobelin. C'est pas une pelle plus deux. C'est un gobelin slayer plus deux. Chabot. Bon, ben, Damien, t'es revenu nous faire une chanson, toi, aujourd'hui. Oui. Est-ce que, mettons, moi, je baisse le volume, on te met ça à capella, t'es lancé? Tu veux que je la fasse maintenant? Ben, moi je te sens chaud, je te sens prêt, Damien. Ben, moi, en fait, j'aurais seulement besoin de votre contribution. Bon, c'est-à-dire que quand je vais pointer une personne, la personne va faire une onomatopée ninja. C'est-à-dire que ça peut être très aigu comme très gras. Ça peut passer de IA ou à OK. Donc. Parfait. Donc, on reste alerte. On prend. Juste me lever de bout, là. Et voilà. Attends, je suis pas prête. OK, je suis prête. OK, 1, 2, 3. Damien Blas-Bouchard, mesdames et messieurs. Les ninjas dorment habillés en pyjama sous les draps. Chai! Dans la nuit, un sabre mouvant, le shuriken lui répand le sang. Oh, les gars! Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Invisible shinobi, jutsu du scorpion noir, prison sur le tatami, le silence tue dans l'armoire. Griffes acérées de chats maudits, sois-tu le crépuscule. La mort est un paradis qui se dissipe dans une bulle. Ya! Ya! Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Seul un ninja peut vaincre un autre ninja. L'ombre noire et son empire égorge en contrebas. Souffle chaud marque ton incise sur le sceau du ninja. Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Ninja! Surprenant. Incroyable. Ah, Damien. Il devrait avoir des feux plus souvent. Dans quel plan de réalité t'étais avant d'être sur la Terre? Je pense que j'étais concierge. J'étais pas. T'as-tu déjà chanté à la messe? Hein? Je trouve que t'avais une voix très. Oh, ouais. Tu as déjà chanté à la messe? À la messe. On va essayer tous ensemble ici de digérer l'excellente chanson de Damien Blas-Bouchard. En attendant, on va aller écouter Arrogant Worms et Wayne Gretzky Rocks. Yeah. Parce Wayne que c'est vrai que Wayne Gretzky Rocks. Ouais. Uh-huh. C'est vrai. Walter Gretzky had a son, he grew up to missing, but they don't know what they are missing. They just watch Wayne Gretzky play, then they watch hockey every day. Actually, I like the Hawks, but boy, oh boy, Wayne Gretzky rocks. All right. When I lived in Edmonton, he made the city of champions. The Orient to make go by his side, he built a bridge in the city with pride. To LA to help bring hockey to the USA. Everyone needed Peter and Jenna for trading the best player on the planet. Trading him and showing up, he took the Kings to the Stanley Cup. Actually, I like the Hawks, but boy, oh boy, Wayne Gretzky rocks. Alors, sans attente, ni coupure, ni sketch entre, on revient en nouvelle. Un étrange cas de divorce dans l'État de New York. Un médecin demande à ravoir le rein qu'il a donné à sa femme comme élément de l'arrangement de divorce. Il dit avoir donné le rein à sa femme en 2001 et elle aurait ensuite demandé le divorce en 2005 après 15 ans de mariage. L'homme affirme qu'elle aurait entamé une liaison avec un autre homme après la transplantation. Il dit « Nous vivions dans une maison d'un million de dollars. J'étais chirurgien à temps plein, père à temps plein et un mari dévoué. Je lui ai sauvé la vie. Je n'ai rien fait de mal et je le referais, mais la douleur est insupportable. Il est prêt à accepter une compensation de 1,5 million de dollars. » C'est évident qu'elle est restée, qu'elle restait avec elle pour profiter de son rein. Moi, je pense que c'est une profiteuse et qu'elle mérite juste de... Namor. Namor, oui. Il est chirurgien. Est-ce qu'il s'est auto-transplanté le rein dans sa femme avec amour? Je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Ouais. L'histoire le dit pas. Il dit « La douleur est insupportable. Je suis prêt à accepter. J'ai besoin d'un million, c'est sans ou de du rein. Ouais, au choix. Hey, voyons donc. Ça ben, se mange un rein. En fait, t'as pas le droit de oui, le c'est des rognons, en fait, tu peux en mettre dans le pal. T'as pas le droit de pratiquer sur quelqu'un pour qui t'as des sentiments. T'as écouté ouais, Urgence, puis... Ah, ben ça, avec l'excellente actrice, puis l'autre, là. Pis le gars avec des cheveux, là. Ouais, ça sortait avec Serge. Le serment d'Hippocrate. D'Hippocrate. Ah, OK, c'est bon. Hypocrite. Oui, tu quoi, t'en as-tu un autre? Je pensais que tu parlais d'autre chose. Ouais, je pourrais parler de... Ouais, alors on va ne pas répondre à la question. Est-ce que vous avez faim, hein? Oui. Est-ce que vous avez envie d'un Whopper? Non. Seriez-vous prêt à mourir pour un Whopper? Je serais prêt à me couper un doigt pour un Whopper. Mais vous avez pas d'argent pour vous en payer un, mettons. Okay? Exemple. Mais qu'à cela ne tienne, si vous avez Facebook et êtes prêt à domper 10 amis pour un Whopper, vous n'avez qu'à ajouter l'application Whopper Sacrifice et à y laisser 10 amis que vous aimez moins pour un Burger King. Et Burger King vous enverra un coupon de Whopper gratuit. En plus, l'application enverra un email aux 10 amis les informant que le King est plus important qu'eux à vos yeux. Il a demandé à 10 amis de vous donner 15 cents, mais c'est quoi le fun là-dedans? OK, ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. D'un, OK, les gens gros peuvent compter sur Internet pour se faire des amis. Puis là, ce que genre Burger King cherche à faire, c'est de piquer les amis aux gros qui s'en sont faits sur Internet pour les ramener dans un restaurant de marde. Moi, j'étais curé, sacrément, capitaliste puis sauvage. Ben là, tu viens de dire que t'étais prêt à te couper un doigt pour un Whopper. Là, pas à sacrifier les gros. C'est ça, il est pas gros puis il y a pas d'amis, fait que ça s'applique pas. C'est ça. Ouais. The fat people live. Hey, non, mais c'est quand même assez hot, pareil. Hein. Il y a une compagnie qui a vraiment plongé dans une application comme Facebook pour décider de se donner de la visibilité. Uh-huh. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Ouais, moi, j'ai plein d'amis sur Facebook que je flusherais n'importe quand. Ben, tant qu'à ça, aussi bien avoir un Whopper. Pour un Whopper. Ça me fait penser aussi à l'affaire de Tiger Woods. Là, Tiger, là, il y avait un glitch d'un jeu de EA Sports qu'il était supposé... Tu pouvais, avec Tiger Woods, marcher sur les spots sur d'eau. Sur l'eau, là, ouais. Pis là, ben, c'était un glitch, ouais, c'était pas voulu, mais eux autres, ils ont fait semblant que c'était voulu en faisant une pub avec Tiger Woods qui allait marcher sur l'eau. Ouais. Ça, c'est juste devenu un espèce de Mais là, est-ce que Jésus de... est intervenu en disant j'ai c'est des droits... C'est mon trademark, moi, je sais pas. C'est... Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin, ouais. Non, mais en fait, vu que ça fait longtemps qu'il est mort, on le sait, il est mort, il est résurrecté, mais il est mort. la loi de l'assurance tient pas compte de ça, puis c'est la même affaire pour les droits d'auteur. Tu meurs, puis après 25 ans, c'est ta descendance qui s'en occupe. Puis il n'y a pas de descendance. Jamais eu d'enfant. Du moins, il l'a toujours nié. C'est ça. Fait que, gars, d'ici, à un moment donné, il faut qu'il fasse son bout, lui. Je tiens à dire, moi, je suis un enfant de la foi. Non, ben, t'as de l'argent à faire là-dessus. T'as de l'argent à faire là-dessus. Hey, sinon, Jess, ça va être à ton tour, hein, sapristi. Moi, je dis 5, 4, 3, 2, 1, puis c'est à toi. Ouais, aujourd'hui, je vous parle de gadgets. Alors, hier dimanche, je suis allée magasiner avec mon frère au Carrefour Laval, un lieu dans lequel je m'asphyxie, bien malgré le fait qu'il y ait des plafonds cathédrales et des larges allées. Perso, je m'y perds tout le temps, puis je finis par dépenser pour me récompenser d'avoir trouvé la porte de sortie. Donc, finalement, j'en sors et le souffle coupé et le portefeuille violé. Mais quand même, faut faire des sacrifices pour passer des merveilleux moments en famille avec mon frère et tout ça. Et surtout pour avoir la chance de visiter la ville qui est, selon moi, la source même de l'explosion de la popularité des chars montés, pimpés, bref, des chars de champions, Laval. Les comme, chars de champions! Champions! Comme vous savez, je suis clairement une fille de chars, une chicks de voiture. La preuve, le son du moteur d'une Ferrari sur Sainte-Catherine l'été, ça m'excite. Puis mon film préféré, c'est The Fast and The Furious Tokyo Drift. Là, j'ai pu apercevoir que t'avais mis un enjoliveur de roue après tes bottes, là. Exactement, ouais. Ouais. C'était un peu trop, ça. Puis je suis très contente que t'aies remarqué ça, tu vois, je suis comme... Personne ne remarque d'habitude. T'es en train de blocher. Oh. Donc, hier, j'étais assez satisfaite de mon escapade. Mais là, tout ça m'amène à avoir le goût de vous parler aujourd'hui des gadgets, mais pas des gadgets de char qui sont utilisés par les pimpeux, là, du genre des mecs qui roulent même quand ton char est stoppé, ou des ceintures padées comme si tu faisais du NASCAR, ou des néons qui éclairent le dessus de ton char au cas où un char voudrait passer, servant alors à lui montrer le droit chemin. Non, je vous parle plus trop de trucs de geek utiles pour pimper ton char. Je vais commencer avec le Deluxe Mini Fridge. Je veux dire, tu sais, tu t'en vas à ta job, tu veux faire plaisir aux gens que t'aimes, remplis-moi cette bière, puis après, ben, ou en fait, n'importe quoi, t'es prêt pour un 5 à 7, sinon t'amènes un lunch pour la gang, puis tu surprends la plus belle fille du travail. On peut garder aussi les flacons d'urine. Oui. Ou si t'es donateur de sperme, je pense que tu peux... Mais en fait, c'est ça, ça va de 44 à 140 degrés. Là, je sais pas à ce moment-là à quelle température ça se conserve du mieux. Non, c'est trop chaud pour le sperme. Mais je veux dire, ou ben non... On parle de Fahrenheit ici. Oui, oui, non, mais oui. J'en tenais compte, oui. Là. Oui, OK, c'est bon. Non, non, un frigidaire à 144. Ben, les gens qui sont stressés à faire des longues distances, tu t'en vas à Québec, tu stresses pas, t'as ton mini fridge, tu peux survivre. Ça, c'est fou. Ça se fait. Tu peux survivre jusqu'à Québec. Ouais, il y a un écran LCD qui t'indique la température, il y a une lumière quand tu ouvres et tu fermes la porte, puis ça pèse juste 15 livres, ça te coûte quoi, 100$? Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Comment l'obtenir? Thinggeek.com, mon là cher. Que tu te trouves. Ouais, ouais. Si on continue dans la lignée survie, hein, tu peux te grayer d'un survival kit in a sardine can. Ça, c'est pas gros, c'est discret, puis ça fait croire à tout le monde que tu t'alimentes bien, mais en fait, dans ta fausse canne de sardines, tu retrouves plus de 25 items différents. Là, on parle vraiment de la ligne de pêche, de bandages antibiotiques, de compas, gomme, sucre, sel, cube de fire starter. Si tu starter un feu. Oui. Du duct tape, papier, crayon, rasoir, etc. Ça flotte dans l'eau, c'est waterproof, puis c'est juste 11,99. Ça doit être des items de qualité. Oui, ça doit. Puis également, je veux dire, si on pense au pire du pire dans la vie qui peut t'arriver, si tu conduis dans la nuit, chemin de terre, t'es isolé, t'es pris en chasse tout à coup par un fou. Tu sais, il y a des gens qui vont inconsciemment se réfugier dans le sommeil, ce qui va créer un accident de voiture et donc la mort probable, ce qui fait qu'ils vont pas affronter le destin fatal que leur réservait leur agresseur. Mais moi, je pense qu'il faut aller de l'avant puis voir ce qui va se produire. Donc, il te faut le Anti-Sleep Driving Alarm. Ça s'installe tout simplement après tes oreilles, comme un écouteur, puis ça fait que quand ta tête tombe en avant plus de 30 degrés, ben là, ça te buzz énormément, puis il y a comme un signal d'alarme assez aigu. Comme un cri de ninja. Qui te rappelle que tu devrais te parquer puis faire dodo. Ouais. OK. Ouais, exactement. Donc, il y a vraiment une alarme. Ça, c'est encore 11,99. C'est toutes des choses, ça, vraiment, là. Tu peux t'acheter ça, là. Tout le monde peut t'acheter ça. Cette semaine. Même si t'es sur l'assurance emploi, là, tu peux te payer ça. Tu coupes 6 cafés. Exactement. C'est ça. Tu peux te payer un café par jour. Des fois, il y a des vieux couples, tu es tanné d'entendre ce que l'autre personne te dit, tu t'endors un peu, l'alarme se déclenche, puis tu as de l'air intéressé. La personne s'en rend peut-être compte qu'il y a une alarme, mais peut-être qu'elle est juste pas au courant. Ben, c'est des moyens que je prends pour être plus à ton écoute. Mm-hmm. Fait que moi, je dis aux gars ou aux filles qui aiment pimper leur char, tu sais, lâchez-moi un néon, allez de l'avant, thinggeek.com, puis vous êtes cool pour vrai. Mais le fridge de char, j'aime ça. Le mini fridge. Parce que si c'est ta bière, tu veux garder frette. Oui, c'est ça. Ouais. Dans une auto, c'est super approprié. Tant qu'elle n'est pas ouverte, tu as le droit de rouler avec un char plein loadé de bière. Là. C'est ça. Faut pas qu'elle soit. Ça, c'est rechargeable et tout. T'en as-tu un autre gadget de même, toi? Ouais, ben sinon, il y a le scrolling LED message sign with remote. Ah, je l'ai vu ça. Ça, c'est long. Fait que ça, tu mets ça en arrière là, de ton char ou en avant, t'écris ton message avec ta manette que tu veux, tu sais, mettons... You're following me from too close. Exactement. Ouais, tu peux même le mettre, ce message-là, t'as mis à la vitesse que tu veux. Là. Tu choisis la vitesse de déroulement. Hein. Tu veux que la personne... Il y a plusieurs sortes de caractères. Non. Faites attention de ne pas tomber d'erreur. Non. Ouais. Mais tu peux écrire ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est la liberté d'expression, ça commence dans ton char. Damien, il est vraiment vendu. Moi, je suis né d'un char. J'ai dopé 10 années pour un Whopper. L'enfant de la foi né d'un ça, char. Ça, c'est juste 40$ en Damien. C'est un peu cher, ça. Non, mais on s'organise. Une semaine. Ah non, mais ça me tente pour vrai. Pareil, 40$ seulement. Ouais, ouais. Puis t'as un panneau qui passe des messages en flashant à vitesse que je veux. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu veux. On va pouvoir mettre du 2.1. Enfin, grâce à ça. Oui, il était temps. Est-ce que c'est là que t'as pogné ta boucle de ceinture qui fait la même chose? Non, ça, j'ai pris ça chez Bang On. Ah. Ouais, mais c'est le même principe, en fait. T'écris le message que tu veux. Merci, Jessica. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce que t'as fini ta chronique? Pas maintenant. Là. En mémoire du gars qui a fini son Rubik's Cube en 27 ans. Hey, ça impose des affaires. Mais j'en reviens pas qu'il ait pleuré, moi. C'était sûrement pas de joie. Là. C'est comme la vengeance, mettons. C'est ça, un coup que tu te venges, tu te rends compte, c'est quoi je fais à cette heure. T'as plus de but, c'est ça. Là, lui, il venait de mettre 28 000 heures là-dessus. Ça, il tente pas de recommencer. Tu t'achètes un casse-tête 3D. Puis là, c'est quoi? OK, là, je viens de négliger ma femme. C'est quoi je fais? Là? Mais tu divorces, puis il y a un Rubik's Cube de 5x5 qui se fait maintenant. Et voilà, tellement de solutions. On en a des solutions à 70%. Aïe, moi, je vais retourner un petit peu. Ah non, toi, Étienne, tu as encore des affaires à nous donner. J'en ai des affaires. Sors-nous deux tonnes vite faites, là. OK, alors ici, j'ai Jeanne Manson, Les larmes aux yeux. Et moi, ce que j'aime, rien de tel qu'un préambule parlé dans une chanson, particulièrement quand c'est fait par des acteurs aussi convaincus. On voit tout de suite que c'est triste, là. Salut. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ça va, et toi? Ouais, ça va. Moi, mais tu t'en es formé, ça va. Je m'étonne pas de celle-là, personnellement. C'est une des tunes qui me mettent de bonne humeur, pour de... c'est dommage. Tu mets un sucre dans ton café. Donc, en gros, Jeanne nous chante ici qu'elle a les larmes aux yeux quand elle voit son ex qui a les larmes aux yeux lui aussi. Donc, les deux se sentent seuls, qui reviennent donc ensemble, bâtards, puis qui nous foutent la paix. Ils voient pas que ce qu'ils cherchent partout est juste là devant eux. C'est quoi, Morgan Freeman s'est incarné à Étienne Forêt? Exactement. Ensuite, j'ai un classique de la tristesse robotisée. Évidemment, je parle des larmes de métal. Des larmes de métal. Oui. Voilà. Donc le grand classique